Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, le direct de 18h-19h sur Radio Guémouzo 107FM. Et comme tous les soirs, je donne la parole à différents visages, différents acteurs du secteur de Remiremont et essentiellement des Vosges aussi, voire même plus loin. Et ce soir, mes invités sont plutôt de Remiremont pour un événement qui aura bientôt lieu, une petite exposition artistique, mais pour en savoir plus, il faut écouter l'émission. Vu que ce soir, je suis avec Maxime et Inès de la mission locale et Antoine, mais vous saurez un petit peu plus d'où il vient. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors Maxime, surtout c'est à toi que je vais m'adresser parce que... Je vois Inès et Antoine qui font un petit peu oui avec la tête. C'est Maxime qui doit se dévouer vu que tu viens parler de la deuxième édition du Brame des Arts. Et pourquoi deuxième édition ? Parce qu'il y en a une première que tu as organisée. Exactement. Donc on va revenir un petit peu au tout début, mais avant toute chose, ce serait peut-être bien que tout le monde se présente un petit peu, comme ça les auditeurs voient un petit peu qui vous êtes. Ok, bon, je commence. Vas-y. Donc je m'appelle Maxime et je suis conseiller à la mission locale depuis quelques années. Et puis pour les projets qu'on développe, on en parlera tout à l'heure. Oui. Voilà. Bonsoir, moi c'est Antoine. Je suis un jeune artiste illustrateur qui fait justement des illustrations oniriques, poétiques. Et j'ai participé au Brame des Arts l'année dernière. Donc moi je suis Inès, je suis en stage à la mission locale pour devenir conseillère. Et tu t'occupes avec Maxime de l'organisation de la deuxième édition. Voilà, tout à fait. La deuxième édition aura lieu bientôt, le mois prochain, mais ça, on va y revenir. On va peut-être parler d'abord de la première édition et de l'idée d'origine pour le Brame des Arts. Est-ce que tu sais ou tu peux me dire d'où est venue l'idée de faire le Brame des Arts et qu'est-ce que c'est ? Alors, depuis quelques temps, à la mission locale, on a essayé de représenter et de travailler sur tous les champs d'intervention de la mission locale. Donc, les domaines, les champs d'intervention qui étaient abordés depuis le départ de la création des missions locales, c'est-à-dire l'emploi, la recherche d'orientation, de formation, ensuite tout ce qui était santé, logement, mobilité... Toutes ces thématiques étaient déjà plutôt traitées par toute l'équipe, mais il nous restait la dernière thématique qui était loisirs, sport et donc la culture, et qui était un peu mis de côté parce que ça pouvait paraître un petit peu secondaire par rapport aux demandes des jeunes qui étaient inscrits à la mission locale. Et c'est comme ça qu'est venue l'envie de faire le Brame des Arts, mais pourquoi ce nom, le Brame des Arts ? Le Brame des Arts, donc on a fait un brainstorming au départ avec ceux qui organisaient, ceux qui étaient à l'initiative de l'organisation de l'événement. On est passé par beaucoup de noms qui ne faisaient pas forcément l'unanimité, celui-là non plus, mais bon, il a fallu trouver au final un nom qui plaisait au plus grand nombre. Donc pourquoi le Brame des Arts ? Brame parce qu'on voulait... que ce soit rattaché quand même au local et que ça représente les Vosges. Donc voilà, évidemment avec le Brame du Cerf. Et puis, Brame des Arts, pour avoir le côté art quand même dans le nom. Qu'on soit bien identifié et que pour bien montrer que ce n'est pas un événement animalier. Et c'est comme ça qu'a eu lieu le premier Brame des Arts, une exposition pour jeunes. issu de la mission locale, qui a eu lieu le 13 mai de l'an dernier à l'espace Le Volontaire de Remiremont. Mais dis-moi, cette expo pour jeunes, c'est une exclusivité de la mission locale de chez nous ? Alors, je ne sais pas si c'est une exclusivité de notre mission locale. Après, c'est vrai, comme je te disais, là, on a essayé de développer et de travailler sur ce champ d'intervention qui était peu représenté. Au départ, c'était l'envie d'avoir une action citoyenne ou culturelle pour ouvrir les jeunes à des activités auxquelles ils n'avaient pas forcément accès. Et donc, il s'est trouvé qu'au moment où on a réfléchi ça avec un groupe de jeunes de la mission locale, il y avait deux ou trois artistes qui étaient présents. Donc, on a profité aussi de leur passion et leur loisir pour partir d'un événement. Auparavant, on avait fait une marche citoyenne où les jeunes devaient aller rencontrer les entreprises pour les sponsoriser pour de la marche. Donc là, c'était une petite action qu'on avait fait un samedi et on avait reversé les dons des entreprises à une association caritative de Remiremont, les Blues Roses. Et donc, ça mêlait plusieurs objectifs. Donc le fait que les jeunes aillent rencontrer les employeurs. Donc ça, c'est aussi ça se rapprochait de notre visée emploi. La démarche citoyenne, c'était de pouvoir reverser les dons à une association caritative, et ça mêlait aussi le sport. Donc ça mêlait trois de nos champs d'intervention: l'emploi, le sport et la citoyenneté. Donc on est parti de là pour s'éloigner un petit peu de nos champs d'intervention, et la deuxième action qui en a découlé, cette fois-ci on s'est plus recentré vers la culture. Et comme je te disais, donc il y avait trois jeunes qui avaient des attraits pour l'art en général. Donc c'est pour ça que la seconde action, on est parti sur une exposition d'œuvres d'art. Et c'est comme ça qu'a eu lieu le Brame des Arts de l'an dernier, je le rappelle, le 13 mai, samedi toute la journée, je crois, 9h à 19h, à l'espace Le Volontaire de Remiremont. Est-ce que tu peux peut-être nous dire combien de jeunes ont participé l'an dernier ? Donc l'année dernière, on a eu 22 exposants. Donc au départ, c'était vraiment prévu pour les 16-25 qui sont notre tranche d'âge de jeunes qu'on accompagne, mais on n'avait pas trop d'engouement dans les inscriptions au départ, donc on a ouvert un petit peu à tous les âges. Donc voilà, 22 artistes étaient présents, mais pas que des jeunes. Il y avait à peu près deux tiers de ces exposants qui étaient quand même des jeunes suivis par la mission locale, donc c'était quand même une réussite de ce côté-là. Et globalement, ces jeunes-là, ils touchaient à quel domaine artistique ? Y avait un peu de tout. Hein. Il y avait de la photo de lieux insolites, de la peinture, de la poterie, de la sculpture, du travail de matériaux, du cosplay et de la création de costumes. Cosplay. Costumes, bah, pas que cosplay, mais tu sais, il y avait les... Pour les mannequins ? Ouais. De la déco de mannequin. Ouais. Bon, après, voilà, hein. comme tout art, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais au moins, là, il y avait le mérite d'y avoir un peu tout. Bien sûr, et d'après ce que j'en entends, c'était vraiment très visuel comme art. Et est-ce qu'il y a eu du monde quand même qui est venu voir tous ces jeunes l'an dernier ? Oui, donc on a eu 400 visiteurs. On a profité de la place de l'espace Le Volontaire qui était au carrefour de deux rues passantes pour les piétons. Donc ça, on a eu beaucoup de gens qui venaient par curiosité et pas forcément voir l'exposition. Et puis aussi, on a eu la chance qu'il y ait un beau temps, ce qui a fait qu'il y avait beaucoup de gens dans les rues, quoi. Et globalement, l'accueil du public, ça s'est bien passé, tout le monde était assez content de cette journée ? Alors nous, les organisateurs, on était contents, les visiteurs étaient contents, on avait laissé un petit cahier où ils pouvaient laisser leur avis, leur impression. On avait mis aussi en place un vote coup de cœur, donc voilà, il n'y avait pas beaucoup de... C'était vraiment un vote pour le fun, et donc le vainqueur de ce vote coup de cœur est Antoine qui participe à l'émission aujourd'hui. Et les artistes aussi étaient plutôt contents de l'organisation et de l'événement. Mais ça, après, on va laisser en dire un peu plus s'il veut tout de suite. Oui, je pense que c'est une bonne idée d'avoir un peu ton témoignage et ton regard d'artiste sur cette journée-là. Ben, pour moi, c'était la toute première exposition que je faisais. Donc c'était plutôt intéressant et ça m'a appris à avoir plus confiance en moi et puis à exposer justement devant un autre regard que le mien, puis celui de ma famille, mes amis. Donc c'est vraiment un beau plus. Et puis après cette expo, justement, ben, ça m'a motivé à faire d'autres expositions pour me faire un peu plus connaître. Et toi, qu'est-ce que tu fais en fait ? Je fais justement des petites illustrations avec des paysages vraiment détaillés. Et avec un petit personnage qui se cache dedans, il faut le retrouver, et puis c'est lui qui fait son histoire. C'est assez poétique, onirique, enfin, c'est vraiment fantastique, quoi. Et ça fait longtemps que tu dessines ? Depuis toujours, j'ai fait mes études en art graphique, et j'ai continué un peu là-dedans aussi en Belgique. Après, j'ai dessiné de mon côté moi-même. C'est moi-même qui ai fait mes histoires, qui les imagine, et puis qui les dessine après. Et donc, bah, oui, c'est une passion que tu as mis à profit pendant cette journée-là. C'est ça. Et d'ailleurs, cette journée, il me semble, c'était quand même bien passé pour toi. Moi, je trouve. Il y a eu pas mal de personnes qui sont arrêtées, qui ont complimenté, qui voulaient aussi acheter par la suite. Puis maintenant, ben, peut-être cette année, j'arriverai à donner des vraies cartes de visite, parce que l'année dernière, j'ai pas réussi à en faire. Mais oui, enfin, au niveau des avis des gens, c'était super, enfin, c'était vraiment au top. Moi, ça m'a plu en tout cas, j'ai pas vu passer la journée. Et à ce propos, est-ce qu'on te retrouvera pour la prochaine édition du Brame des Arts ? C'est ça, je suis inscrit. Eh bien, on a hâte d'en savoir plus. Hein. Donc, pour les auditeurs, vous pourrez rencontrer Antoine le 12 mai. Ça sera où déjà ? Au Centre culturel, c'est ça ? Au Centre culturel de Remiremont, oui. Donc, ben, cette année, l'espace Le Volontaire n'était plus disponible, donc... Mais on sait quand même, on a quand même la chance d'avoir cette salle où il y aura quand même de la place. Ce sera une configuration différente sur 3 étages, mais il y aura quand même de la place pour un bon paquet d'artistes. Et oui, il y a tous ces artistes qui pourront exposer leurs œuvres le 12 mai. Si tu es là aussi, c'est parce que la journée n'est pas encore... tout à fait fini d'organiser. Est-ce que tous les artistes se sont déjà inscrits pour la journée ? Pour le moment, on a 21 candidatures, mais les personnes peuvent encore s'inscrire pour cette journée. Est-ce qu'il y a des conditions spécifiques ? On aimerait rester dans une tranche d'âge, assez jeune, puisque c'est le public qu'on touche à la mission locale. Et après, non, il n'y a pas réellement de conditions. Donc, le but, c'est de faire un art visuel, quel qu'il soit, que ce soit artistique ou même plus artisan, comme j'ai pensé à la poterie. Et voilà, essentiellement, ou plutôt des jeunes de 16 à 25 ans, c'est ça ? Oui, jusqu'à 30 ans. Après non, tout. Voir un peu plus, après, on veut quand même qu'il y ait des œuvres et des artistes de tout horizon. Donc après, s'il y a un artiste qui n'est pas représenté ou un type d'art qui n'est pas représenté parmi les candidatures des jeunes, évidemment, on fermera pas candidature. Mais si on a trop de nombres par rapport à la place qu'on a, on fera des choix et l'âge, la catégorie d'âge sera un des critères de sélection. Vu qu'après tout, les candidatures sont toujours ouvertes. C'est un peu une bouteille lancée à la mer pour nos auditeurs qui nous écoutent. Et d'ailleurs, si vous le voulez, vous pourrez peut-être nous passer un petit coup de fil pendant la première pause musicale qu'on va s'écouter, qui est Leave a Light On de Tom Walker. Donc on s'écoute cette parenthèse sonore et on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. The second someone mentioned you are all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go, keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel like grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, yeah, I'll leave the light on. I will leave the light on. up than what's been on your mind. Lately you've been searching for a darker place to hide. That's alright, but if you carry on abusing, you'll be robbed from us. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home, don't let go. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I will leave the light on. The light on, 'cause I will leave the light on. Et c'était Leave a Light On de Tom Walker. Vous êtes de retour sur Radio Guémouzo 107 FM dans l'émission L'Heure des Loups. Vous pouvez, si vous le voulez, comme d'habitude, réagir à l'émission en nous écrivant sur notre page Facebook Radio Guémouzo. J'ouvre vos messages, il n'y a aucun souci. Et vous pouvez aussi nous passer un petit coup de fil en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, je suis toujours avec Maxime et Inès de la mission locale et Antoine, un artiste du Brame des Arts, l'édition de l'an dernier. On a un petit peu parlé de comment ça s'est passé. Hein. Antoine, toi qui illustre des histoires, tu fais des histoires à travers tes dessins très détaillés avec un petit personnage qu'il faut systématiquement trouver. Tu as été d'ailleurs le coup de cœur de l'an dernier et ça t'a même encouragé à continuer par la suite à faire d'autres expositions. Mais en dehors de ces expositions, tu commences à en faire un petit gagne-pain de tes illustrations ? J'essaye doucement justement de trouver un maximum d'endroits où je peux exposer. Là, j'ai réussi à exposer déjà dans 2-3 bâtiments depuis justement le Brame des Arts. Et puis, je me suis fait un site internet où je peux également vendre des tableaux avec des cartes de visite aussi. Enfin, j'ai un peu plus poussé la recherche justement de me faire un peu plus connaître, quoi. Et d'ailleurs, il me semble que tu as aussi une page Instagram, donc c'est peut-être le moment de donner un petit peu le nom de tes sites internet et page Instagram. Bon, ma page Instagram, c'est Antoine Aizier, A-I-Z-I-E-R, Antoine, j'appelle pas. Facebook, c'est pareil, Antoine Aizier, puis le site internet, vous tapez Antoine Aizier sur Google et hop, vous tombez dessus. C'est antart.org. Tout simplement. Et juste une question comme ça, tu illustres avec quoi, vu que j'ai déjà reçu des artistes qui utilisaient plein de matériaux. Et question matérielle, toi, tu travailles avec quoi ? Déjà, mon format de prédilection, c'est le format A5, donc c'est assez petit, et puis justement, je peux me plonger vraiment dans l'histoire. Et sinon, j'utilise vraiment beaucoup, beaucoup d'accessoires, c'est-à-dire des stylos, de l'encre de Chine, des crayons de couleur, de l'aquarelle. Ça peut être diverses techniques sur une seule illustration. Et dis-moi, est-ce que tu as eu un souvenir marquant pendant cette journée du Brame des Arts ? Une rencontre ou une œuvre qui t'a spécialement marqué ? J'ai le souvenir que je me suis éclaté les doigts en accrochant mes tableaux. Non, à part ça, pas spécialement, non. Je me souviens vraiment de toutes les personnes qui sont venues avec le grand sourire, qui m'ont dit que c'était super et puis qui m'ont encouragé par la suite, quoi. Mais pas d'une personne en particulier. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, les souvenirs, peut-être bientôt 11 mois, mais Inès, tu étais là l'an dernier en tant que spectatrice ? Non, pas en tant que spectatrice non plus. Ah, donc... Première édition, vraiment, au niveau de l'organisation et de l'événement lui-même. Donc j'ai hâte de pouvoir rencontrer les artistes, de m'occuper de la journée là au niveau de l'organisation du jour J, donc avec Maxime, et participer à cet événement. Et l'organisation de la deuxième journée, on va en reparler dans quelques instants, mais bon, comme j'ai déjà fait un petit tour de table avec Antoine et toi Inès, un petit peu des souvenirs marquants, peut-être que toi Maxime, tu voudrais peut-être nous dire si tu as spécialement un souvenir marquant concernant cette édition de l'an dernier. Eh bien, c'était les retours positifs des visiteurs, et puis vraiment le bon retour aussi des exposants qui avaient déjà réservé leur place pour la deuxième édition. Ben pareil, on avait fait un petit peu de com autour, j'avais fait un live Facebook le jour de l'événement en faisant le tour de tous les stands, et j'avais été contacté au moment de la première édition pour réserver des places pour les exposants pour la deuxième partie, donc le Brame des Arts 2 qui aura lieu le 12 mai. Oui, et bah justement, l'organisation et les inscriptions, parlons-en. Jusque-là, il y a 21 artistes inscrits, donc c'est un de moins que ce qu'il y a eu l'an dernier. Mais il y a une capacité d'accueil de combien d'artistes ? Eh bien, du coup, nouvelle salle, nouvelle organisation, donc on n'a pas encore un nombre de stands possible. Là, on a reçu les inscriptions des 21 premiers candidats, et puis ce sera en fonction de la représentation des types d'œuvres dont je parlais tout à l'heure, et puis on leur a demandé leurs besoins en termes de matériel, donc c'est en fonction du nombre de grilles, du nombre de tables dont ils auront besoin qu'on pourra définir le nombre d'exposants possible, quoi. Et parmi les exposants qu'il y a eu l'an dernier, il y en a beaucoup qui vont reparticiper cette année, sans compter Antoine bien sûr, vu qu'on le sait. J'ai pas les chiffres, mais je crois que sur les 21, il y a déjà une bonne dizaine d'exposants de la première édition. Je crois qu'on t'y verra aussi. Et oui, parce que elle a pas osé en parler tout à l'heure, mais Lou aussi avait participé à la première édition et s'est réinscrite sur la deuxième édition. Eh oui. Donc, je sais pas si toi, à ton tour, tu veux nous parler un petit peu de tes œuvres. Si ça intéresse les auditeurs et si ça vous intéresse vous, hein, bien ben oui. Sûr. Essentiellement, je fais de la peinture, du dessin, et surtout des trucs qui évoquent des émotions. Donc plutôt des choses qui se rapprochent à de l'art-thérapie, mais je fais un petit peu ma petite vie dans mon coin, je gribouille des trucs, enfin voilà. Je peins plus trop ces temps-ci, c'est dommage. Si, par contre, j'ai une nouveauté, je suis en train de peindre un grand tableau qui, j'espère, sera prêt pour l'édition du Brame des Arts 2, donc pour les auditeurs, rendez-vous le 12 mai. Et je prépare aussi un petit teasing, une petite performance artistique engagée. Donc là aussi, on se retrouvera le 12 pour en savoir plus, en attendant Motus et Bouche Cousue. Voilà, si vous voulez voir votre animatrice le jour de l'événement, vous pouvez venir découvrir ses œuvres. Tout simplement. Et dis-moi, si un auditeur nous écoute a envie de s'inscrire, comment ça se passe ? Donc, il y a plusieurs façons de s'inscrire. Il peut aller sur le site de la mission locale et s'inscrire directement sur le site internet ou via la page Facebook, nous envoyer un mail ou nous contacter par téléphone. Et après, les choses se mettent en route, c'est ça ? Voilà, oui, donc on essaie de toucher le plus grand nombre, donc c'est facile par les réseaux sociaux, donc surtout sur Facebook. On partage le lien de l'événement et des inscriptions sur notre page, sur la page de chaque conseiller. On a créé aussi un groupe qui s'appelle le Brame des Arts. Donc chaque personne qui pourrait être intéressée pour exposer peut rejoindre le groupe. Voilà, c'est un groupe de discussion entre les artistes de l'année passée et ceux qui sont intéressés pour exposer cette année. Donc voilà, c'est ouvert à tout le monde. Dans la limite peut-être de faire plutôt de l'art visuel, c'est ça, ou il n'y a pas spécialement de contraintes cette fois ? On reste quand même dans cette contrainte d'art visuel. La première année, c'est parce que les locaux ne se prêtaient pas à un autre type d'art, parce qu'on voyait mal mettre un groupe de musique à l'espace Le Volontaire qui était qui est ouvert Enfin, qui est une grande ouverture. On avait peur que ça résonne et que ça casse les oreilles un peu à tout le monde. Oui. Cette année, le problème, c'est qu'on va être dans des espaces plus confinés, sur 3 étages. Donc, voilà. Et après, on a la possibilité d'accueillir des vidéastes cette année, puisqu'on a la salle de conférence du centre culturel qui nous est mise à disposition. Donc, voilà, grand écran, vidéoprojecteur. Donc, si certains artistes travaillent la vidéo, ils sont les bienvenus. Et d'ailleurs, j'y pense, s'il y a peut-être un auditeur qui est un petit peu timide pour se lancer, qui fait son art dans son coin, qui hésite un petit peu, qu'est-ce qui pourrait, de votre part, l'encourager à s'inscrire au nouveau Brame des Arts ? Eh ben, l'idée première du Brame des Arts, c'était de permettre à des artistes amateurs d'exposer. Et pour, moi j'ai pas exactement les chiffres, mais pour à peu près 90% des exposants de l'année dernière, c'était la première exposition qu'ils faisaient. Donc même pour Antoine qui avait déjà pas mal d'œuvres dans son book, voilà, ça lui a permis pour la première fois de pouvoir présenter ça à un public, d'avoir aussi des retours. Puisqu'à mon avis, il devait partager ça juste avec son environnement proche. Donc voilà, je ne sais pas si tu peux nous dire, est-ce que tu as eu des craintes, toi, de venir exposer et de rendre public tes œuvres ? Bah, c'est sûr qu'on appréhende toujours de montrer son travail à un plus grand public que sa famille, ses amis, comme je disais tout à l'heure. Mais quand on a confiance en soi, on se lance et puis ça marche comme ça. Puis après, il y a les autres artistes autour de nous qui nous encouragent, les autres personnes, il y a tout le monde qui sont là aussi pour nous. Et puis, non, enfin, il n'y a pas plus de peur que ça. Il faut se lancer, c'est tout. Donc voilà, c'était tous. C'était une grande première pour la grande majorité des exposants de l'année dernière. Et de toute façon, c'est tous des artistes amateurs. Et puis, voilà, on respecte tout type d'art. Donc c'est ouvert. Et s'ils veulent être rassurés, qu'ils n'hésitent pas à contacter Inès ou moi à la mission locale. Après, on pourra même les mettre en contact avec des exposants de l'année passée. Hein. Mmh. Mais bon, il n'y a pas de crainte à avoir. On n'a pas de soucis l'année dernière. Je pense qu'on va parler juste après la deuxième pause musicale de l'organisation, hein, parce qu'il y a la journée, bien sûr, mais il y a une grosse organisation faite en amont par toi, Maxime, et toi, Inès. J'imagine que c'est un gros travail de fond qui mérite qu'on se penche quand même un petit peu dessus. Avant qu'on parle de ça, on s'écoute une deuxième pause musicale. C'est le morceau « Elle danse » de Nutty. C'est toi qui l'as proposé, Maxime, si je ne me trompe pas. Donc, exact. On s'écoute cette parenthèse sonore et on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. One more I got die in the street again. There's no way to run, no way to hide, my friend. Till you believe in love as the master plan. Oh, your man. She gonna have to fight again. Fight again. Fight again. Fight again. Elle danse sur la piste au milieu des jeunes loups. Elle danse. Le son est bon de tout, elle se fout. Elle danse. Si le bonheur n'est pas au rendez-vous, elle dansera toute la nuit après tout comme again. Elle danse sur la piste au milieu des jeunes loups. Elle danse. Quand le son est bon de tout, elle se fout. Elle danse. Si le bonheur n'est pas au rendez-vous, elle dansera toute la nuit après tout. Et jamais elle ne flanche. Dédicace à toutes les femmes des cités, qu'elles soient de Patapi, de Paris ou Yaoundé. Ceux qui connaissent la souffrance. Parloir et couloir aseptisés, garantes de nos âmes dans l'adversité. Parmi bien la délivrance. Souvent ton complice le plus fidèle, surtout quand l'amour lui a donné des ailes. Des sœurs, femmes ou mères. À toutes celles qui connaissent les affres de la misère. Sur celles qui le cœur gros marche le regard fier. C'est à mes guettes au cœur que j'ai dédié ces vers. One more I go die in the street again. There's no way to run, no way to hide, my friend. Till you believe in love as the master plan. She gonna have to fight again. Fight again. Elle danse sur la piste au milieu des jeunes loups. Elle danse quand le son est bon de tout, elle se fout. Elle danse si le bonheur n'est pas au rendez-vous, elle dansera toute la nuit après tout. Et hey, je te parle de ces femmes là, celles qui aux yeux n'ont pas froid. Toutes les femmes du monde, qu'elles soient Mama ou Fatma, des filles et des mères qui luttent encore pour leurs droits. Hey, merci baby d'être là, de partager mes traces. Maudits soient les démons qui t'éloignent de moi. Mon respect n'a décal que mon attirance pour toi. Fort comme une mère pour son fils, quand l'amour fait face au vice. Elle peut lutter comme 10, comme une sœur pour son frère, affrontant la misère. Elle garde les pieds sur terre. Hey, elle danse sur la piste au milieu des jeunes loups. Elle danse quand le son est bon de tout, elle se fout. Elle danse si le bonheur n'est pas au rendez-vous, elle dansera toute la nuit après tout. One more I go die in the street again. One more man. One there's more. No way to run, no way to hide, my friend. No way to run, no way if to you hide. Believe in love as a master plan. You believe in love as a master she's plan. She's gonna fight and fight she's again. She's gonna fight again. Fight again. One more I go die in the street again. One more I go die. There's no way to run, no way to hide, my friend. No way to run, no way if to hide. You believe in love as a master plan. She believe in love as she a master plan. She's gonna fight and fight again. She's gonna fight again. Fight again. Fight again. Fight again. Oh hey. Vous venez à l'instant d'écouter le morceau Elle danse de Nati. Vous êtes de retour sur Radio Guimauzo 107FM dans l'émission L'heure des loups. Et vous pouvez, comme d'habitude, réagir à l'émission en nous envoyant un petit mail ou un petit message sur notre page Facebook Radio Guimauzo ou en nous passant un coup de fil au 03 29 62 40 40. En effet, la ligne est ouverte hein, si vous le voulez, car ce soir je suis avec Maxime et Inès de la mission locale et Antoine, un illustrateur qui a participé à la première édition du Brame des Arts et qui sera présent pour la deuxième édition qui aura lieu le 12 mai de cette année au Centre culturel, c'est ça ? Tu peux peut-être rappeler l'adresse ou là où ça se trouve ? Alors, le Centre culturel d'Ormiremont, c'est près de l'église. C'est au niveau de la place de la mairie. En face de la caisse d'épargne ? En face de la caisse d'épargne, oui. Je sais pas si ça parle aux gens, mais c'est... Ah si, à côté de l'abbatiale. Voilà. Donc, ah oui, oui, donc, je vois, c'est là où il y a eu... La mairie de Remiremont, et puis... C'est là où il y a eu l'exposition aussi du carnaval vénitien. C'est ça, oui. Mm-hmm. D'accord, donc là, je situe. Mais bon, il y a une première édition, il va y avoir une deuxième édition. C'est deux journées, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière, et surtout beaucoup d'organisation. Et Inès, c'est non, t'es là aussi pour parler. C'est ça, parce que j'ai pas beaucoup parlé encore, mais c'est pas grave. Donc moi j'étais pas là l'année dernière, mais donc Maxime m'a fait un peu le retour de comment s'est passée la première organisation. C'est un travail qui a commencé en octobre 2016, donc pour un événement qui se déroule au mois de mai, il y a quand même du travail, surtout pour une première édition en fait, puisqu'il y a plein de choses à créer concernant les supports de communication, créer une adresse mail par rapport à l'événement, une page Facebook, contacter la mairie pour demander des autorisations par rapport à la salle, par rapport à tout ça. Il y a aussi la création de l'affiche que notre collègue Thomas a faite donc l'année dernière et cette année encore. Et puis pour cette année, l'organisation, bah, c'est moins conséquent puisqu'il y a déjà des choses qui ont été faites l'année dernière et on repart sur des bases qui ont déjà été créées, quoi. Donc on reprend les supports, on recommunique et voilà. Mais ça doit être, je pense, un gros travail, surtout bah, déjà trouver une nouvelle salle, hein, comme l'espace Le Volontaire est en travaux. C'est la raison pour laquelle, j'imagine, la deuxième édition n'a pas lieu là-bas. C'est ça. C'est ça, oui, au début, on a eu un peu peur. Quand on a recontacté la mairie, ils nous avaient annoncé des dimensions. Et finalement, ils nous parlaient seulement de la salle d'exposition au premier étage. Mais finalement, on est allé faire une visite et puis on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de places. Donc... Et ça, on en a parlé un tout petit peu hors antenne. C'est quand même grand, hein, ça aura lieu sur 3 étages cette fois. Il y a peut-être moyen que le public se perde ou loupe des artistes. Donc, est-ce que toi, Inès, tu as prévu une certaine organisation pour que personne ne soit oublié dans un coin ? Bah, le but, c'est justement ça, oui, c'est que peut-être créer un sens de circulation pour que les visiteurs puissent vraiment voir tous les artistes. Et oui, on va mettre ça en place une fois qu'on aura les informations concernant leurs demandes, leurs besoins et aussi leurs œuvres, puisque suivant ce qu'ils vont exposer, on décidera peut-être de l'emplacement par rapport à la place de disponible. Par exemple, il y a 3 petits salons. Donc après, suivant les œuvres à exposer, on décidera comment organiser tout ça. Mais oui, le but, c'est que personne ne soit dans un coin et que les visiteurs puissent voir tout le monde. Et en parlant de ça, enfin, c'est un petit peu à part, on a parlé des arts visuels, il y aura de l'artisanat et parmi ceux qui étaient là l'an dernier, est-ce qu'il y aura, je ne sais pas, par exemple, le potier qui va encore refaire ses jolis bols On n'a encore pas eu de ces nouvelles, mais c'est vrai que son stand avait eu beaucoup de succès parce qu'il pratiquait en direct, donc ça intéressait les gens aussi de voir comment l'artiste travaillait. Et donc cette année, comme l'année dernière, on espère avoir des artistes qui vont créer sur place. Donc toi, tu as ton projet secret, on n'a plus le droit d'en parler. Ah, c'est une performance, c'est pas pareil. Une performance, ok. J'ai une petite idée aussi d'une performance. J'ai vu ça sur internet et ça, on essaiera de mettre en place. Mais pour le moment, c'est qu'une idée. Et est-ce que, mis à part des arts visuels, donc des peintres, des choses comme ça, est-ce qu'il y a dans le lot, peut-être, pour intéresser nos auditeurs, des artistes qui font autre chose ? Donc je pense bien entendu au potier, où je sais qu'il y a quelqu'un qui a fait de la sculpture sur bois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui proposera quelque chose qu'on ne voit pas à tous les coins de rue ? On avait l'année dernière en contact un artiste qui faisait des disques vinyles, oui, en glace, qui malheureusement n'avait pas pu être disponible puisqu'il était pris sur un autre événement. Mais j'espère pouvoir le recontacter et le compter parmi nous cette année, parce que je trouvais vraiment que ça sortait du commun, quoi. L'art éphémère, comme ça, ça devait être intéressant et je pense que ça pourrait intéresser les visiteurs. Mais dans tous les cas, de toute façon, tant que c'est de l'art en mouvement et qu'il y a de la créativité en live, et puis on l'a vu l'année dernière, hein, de toute façon, tous les stands qui étaient les plus occupés, c'est où les artistes produisaient quelque chose. Donc on compte sur les artistes de cette année pour produire encore en live. En effet, et dis-moi, j'y pense, on n'en a pas trop parlé, mais forcément, la mission locale a organisé des journées culturelles pour un certain but. J'imagine que le Brame des Arts aussi vise un but précis. Et ben, le but du Brame des Arts, c'était dans un premier temps d'ouvrir aux jeunes, et pas forcément à tous les visiteurs, vers des loisirs auxquels ils n'avaient pas forcément accès. Donc là, une exposition d'œuvres d'art en tant qu'exposant et en tant que visiteur. Voilà, c'était, comme je le disais tout à l'heure, une première pour beaucoup. Et puis, un des autres intérêts, c'est de créer un échange, un partenariat entre les artistes qui se créent leur réseau artistique et puis qui puissent par la suite garder contact, échanger, pourquoi pas à terme créer des œuvres ensemble en mêlant plusieurs techniques. Ça pourrait être intéressant et ça peut être aussi une piste à creuser pour le jour de l'événement, et essayer de créer peut-être une toile, une œuvre sur laquelle tous les exposants pourraient mettre leurs pattes, une petite patte, une petite partie de leur technique. Donc je sais pas, ça on verra avec Antoine aussi s'il est prêt à partager un bout de toile, un bout de feuille avec il n'y a pas de souci, on verra. Avec d'autres artistes. Ah mais c'est une bonne idée et une idée qui est certainement à creuser et qui j'espère donnera aux auditeurs envie de venir faire un tour le 12 mai à l'espace culturel d'Hormiremont. Il faut que parfois que centre je raccroche. Culturel. Au centre culturel, tu vois, c'est ça. Quand le train de la pensée va plus vite que le débit de parole. Et donc, cet événement qui est ouvert à tous. Donc, les inscriptions qui sont encore ouvertes. Donc, si quelqu'un a peut-être envie de nous passer un petit coup de fil pendant la pause musicale, c'est bienvenu, il n'y a aucun problème. Pause musicale, parlons-en. On va peut-être passer la troisième pause musicale. Un morceau que cette fois Antoine a proposé. Le premier, c'était Inès, hein, au moins que je le dise. Donc, le troisième morceau, c'est Red Red Wine de UB40. Donc, on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. C'était Red Red Wine de UB40. Vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107FM dans l'émission L'Heure des Loups. Vous pouvez toujours, comme d'habitude, réagir à l'émission en nous envoyant un petit message sur Facebook, sur notre page Radio Gamozo, ou en nous passant un petit coup de fil au 03 29 62 40 40. Et la ligne est bien ouverte parce que les inscriptions sont ouvertes pour la deuxième édition du Brame des Arts organisée par la mission locale, vu que ce sont mes invités de ce soir, hein, Maxime et Inès, avec Antoine qui est un participant de l'an dernier et qui reviendra montrer ses dessins oniriques, bucoliques, poétiques, ses dessins pleins de détails avec un petit personnage qu'il faut trouver. C'est un petit peu c'est un peu une nouvelle version de Où est Charlie, non? Un peu, ouais. En plus détaillé encore. En plus détaillé et en plus poétique, en différent, bien entendu, vu que c'est avec ta patte à toi. Mais Maxime et Inès, on a un petit peu parlé hors antenne, hein, de l'importance de l'organisation et aussi peut-être de l'importance des soutiens et même du parrainage. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Maxime ? Alors donc, comme Inès disait tout à l'heure, l'année dernière, on avait beaucoup de choses à mettre en place pour l'organisation de l'événement. Donc ça, on s'y était pris un petit peu trop tard. Et puis on avait laissé plus en autonomie le groupe de jeunes qui était à l'initiative de ça l'année dernière. Mais cette année, on a relancé l'idée d'avoir un parrain ou plusieurs parrains qui seraient reconnus dans un domaine artistique, mais qui resteraient local. Donc on avait plusieurs pistes. On a une personne qui nous a confirmé, donc c'est Francis Cuny, qui travaille en particulier le bois. Et on est encore en attente d'une autre artiste qui est reconnue à l'international et qui pourrait venir partager et passer quelques heures le jour de l'exposition pour échanger avec les artistes aussi, puis pourquoi pas avec les visiteurs. Mais encore une fois, dans ce but d'échange entre artistes et que des artistes amateurs puissent avoir le retour et même des conseils et des retours d'expérience d'artistes reconnus, voilà, ça pouvait être intéressant aussi. Bien entendu, créer l'échange, peut-être se permettre d'apprendre les uns des autres et s'aider mutuellement à progresser. Je pense que c'est aussi la démarche, vu que la démarche de la mission locale à la base, hein, c'est d'aider les jeunes à devenir des adultes autonomes. Et devenir adulte autonome, c'est aussi par l'art, hein, c'est par plein de choses. Parce que bon, la mission locale, on la connaît bien, on sait bien tout ce qui est fait. Mais il ne faut pas oublier que dans la vie, les gens ont des passions et que ces passions, on peut en vivre, ou du moins que c'est épanouissant de les laisser un petit peu libre cours le temps d'une journée, voire plus. Et oui, ça c'est ce que tu veux mettre en avant, Maxime, et bien entendu Inès aussi, vu que tu organises la deuxième édition. Tiens, je ne sais plus ce que je voulais vous demander, hein. Ça y est, les aléas du direct et les trous de l'animatrice, bon ça les auditeurs sont habitués. mais oui, on est vraiment, vraiment dans la mise en avant, oui, du Brame des Arts, deuxième édition. Et tiens, d'ailleurs, ça c'est une question que je ne vous ai pas encore posée, pour peut-être les jeunes que ça intéresse et qui ont peut-être peur de s'inscrire. La participation, elle est gratuite? Oui, la participation est évidemment gratuite, et la visite aussi. Donc voilà, encore une fois, pour en restant, en gardant à l'idée de donner l'accès à une activité culturelle au plus grand nombre, ben voilà, on n'a pas mis de... C'est une visite libre. Et donc c'était aussi une des conditions pour avoir... pour la mise à disposition de la salle par la mairie. Donc voilà, on joue le jeu aussi de laisser tous les visiteurs. Et comme ça, même si le passant qui passe devant la salle, comme l'année dernière, veut s'arrêter et juste faire un petit tour, 5-10 minutes, ben voilà, il a la possibilité et le prix de l'entrée ne sera pas un frein. Ah oui, bah oui, en effet, vu que c'est 0 euros, hein, la merveilleuse, l'immense somme de 0 euros. Et dis-moi, pendant cette journée, ou peut-être qu'Inès aussi peut répondre, est-ce qu'il y a d'autres acteurs locaux qui seront invités, genre peut-être des maires ou d'autres associations ou d'autres artistes qui seront invités à faire un tour pour rencontrer les artistes que vous mettrez en avant? Il n'y a pas vraiment d'invitation. Après, toute personne est la bienvenue. Nous, le but, c'est vraiment de promouvoir les jeunes, enfin que les jeunes puissent exposer, échanger et se sentir à l'aise dans cet événement, puisque c'est, je pense que pour eux, c'est pas forcément évident de venir, et comme on en a parlé tout à l'heure. Mais quand j'entends Antoine et son témoignage, je me dis que c'est vraiment un plus, je pense, pour toi d'avoir participé à cet événement, puisque tu as créé un site internet, tu fais des cartes de visite, des choses comme ça, et ça a développé le côté où tu as envie, je pense, de montrer ce que de tu fais, surtout, voilà, de hein. continuer. Donc y a pas de... on n'a pas d'invité, on a juste les parrains qu'on espère qui vont être présents, mais il n'y a pas de... c'est ouvert à tout le monde. Tout simplement. On aura juste un petit pot de clôture avec sans doute le président de la mission locale, comme l'année passée, la directrice, nos collègues aussi qui passeront faire un tour et qui ne sont pas forcément directement impliqués dans l'organisation. Mais voilà, on aura quand même le soutien et puis la présence de plusieurs partenaires. Et aussi, oui, on lancera les invitations, comme l'année passée, aux mairies. Et c'est les adjoints à la culture et aux loisirs qui seront aussi visés par les invitations. Pour montrer aussi que la mission locale d'Œuvre Miremont essaie aussi de créer un élan culturel aussi dans le secteur, je pense. Oui, après, on ne met pas forcément en avant la mission locale. C'est vraiment le but, c'est l'ouverture culturelle et puis montrer aux partenaires et acteurs politiques locaux qu'il y a des jeunes qui ont du talent, qui sont intéressés pour se mettre un petit peu en avant, mettre en avant ce qu'ils savent faire. Et puis qu'il y a des activités culturelles qui se mettent toujours en place. Tout simplement, oui, que ça continue à bouger, même en zone rurale. Je pense que c'est important de le montrer. Bon, il n'y a pas, bien entendu, comme tu l'as dit, il n'y a pas que la mission locale. Il y a d'autres associations, il y a déjà Airplay, il y a les Sapins Barbus, il y a OKKO. Enfin, il y a plein d'associations qui continuent à créer des événements culturels. Et bon, j'en ai oublié plein. Mais c'est vraiment cet élan de culture et d'ouverture culturelle qui est vraiment présent dans nos Vosges. Et en parlant d'ouverture culturelle, j'ai envie de clôturer entre guillemets l'émission. Hein. Bon, il nous reste encore 10 minutes, mais on va s'ouvrir un petit peu les horizons culturels en s'écoutant un dernier morceau, un morceau de La Petite Fumée. C'est de l'électro tribal. Alors, pour ceux qui connaissent Lia, ils ont déjà découvert, et d'ailleurs, c'est Lia qui m'a fait découvrir, donc merci à elle. Donc, on s'écoute Elements, leur morceau de La Petite Fumée, et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Et vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107FM. Vous venez d'écouter la dernière pause musicale. C'est Elements de La Petite Fumée qui sont passés à la Souris Verte, il me semble, courant février. Et vous êtes toujours dans l'émission L'Heure des Loups, toujours avec la mission locale, donc avec Maxime, Inès et Antoine, un exposant du Brame des Arts pour la première et la deuxième édition. D'ailleurs, on va encore reparler un petit peu de toi, Antoine, si ça ne te dérange pas, vu que c'est vrai qu'on a parlé un petit peu de tes techniques, mais on n'a pas trop parlé de tes inspirations en fait. Mes inspirations, déjà j'ai un artiste préféré, c'est Vincent Van Gogh, même si beaucoup l'adorent, c'est vraiment avec ses voluptés, ses spirales et tout, enfin, il a voulu raconter aussi quelque chose. Et sinon, j'aime bien des autres artistes, Odilon Redon, lui il fait du noir et blanc, c'est des paysages noir et blanc et tout. Il y a plusieurs artistes que j'aime bien, mais sinon j'ai essentiellement les idées dans ma tête et puis je les replace sur une feuille. Et sinon... Et tu racontes un petit peu une histoire avec ce que tu fais. Est-ce qu'il y a une histoire en fait que tu as dessinée qui te tient particulièrement à cœur? En fait, toutes les histoires, elles se suivent un petit peu. Donc c'est un petit fil rouge. Mais il y a un tableau que je préfère, c'est avec les bibliothèques, les livres. Et celui-là, je trouve, c'est mon préféré. S'il y a des auditeurs qui peuvent regarder sur mon site ou autre. Et ce fil rouge, j'imagine, et surtout cette illustration avec tous les livres, on peut la retrouver le 12 mai à l'espace... Non, pas à l'espace Le Volontaire, je vais y arriver. Au centre culturel, c'est ça? On pourra les retrouver, oui. Peut-être pas toutes, mais une grande partie, on les retrouvera. Et puis, justement, par la suite, toutes les histoires vont faire un livre. Je vais en faire un livre d'illustration, puis... voir un éditeur par la suite. On a hâte d'en savoir plus. Surprise. Oui, surprise. Hein. Donc, rendez-vous le 12 mai au Centre culturel de Remiremont, juste à côté de l'église abbatiale. Hein. L'entrée est gratuite et c'est ouvert de 9h à 19h, c'est ça? C'est ça, oui. Et pour les jeunes, les artistes qui ont envie de s'inscrire, c'est quand la date butoir? Donc là, on est à un mois de l'événement, donc on va encore laisser environ une semaine les inscriptions ouvertes. Donc je vais rappeler rapidement. Donc sur le site de la mission locale, donc c'est mlprv.fr, donc c'est les initiales de mission locale du pays de Remiremont et de ses vallées. Sinon, le groupe Facebook de la mission locale de Remiremont. Et puis, on a un groupe exprès pour l'événement qui s'appelle Le Brame des Arts. Voilà. Le nom n'est pas trop original. Hein, mais bon. Oui, après, c'est la deuxième édition du Brame des Arts. Donc, voilà, on n'a pas besoin de chercher midi à 14h. Hein, c'est simple, c'est clair, c'est net et c'est précis. Donc, c'est ouvert à tous. Organiser, c'est un travail, je pense, titanesque. Hein, que toi, Maxime, et toi, Inès, portez. J'imagine que vous avez peut-être aussi hâte de voir le 12 mai arriver. Moi j'ai hâte, oui, en effet, parce que c'est la deuxième édition du Brame des Arts, mais c'est la première édition à laquelle je vais participer. J'ai vraiment hâte de voir cet événement se réaliser, de voir les jeunes dans un élément qui va leur plaire normalement, puisqu'ils vont exposer leurs œuvres et échanger, j'espère, aussi avec les parrains sur leurs talents, sur des conseils, sur tout ça, quoi. J'ai vraiment hâte d'être à cette journée et de voir cet échange, cette communication entre différentes personnes qui ne se connaissent pas mais qui ont une passion commune en fait. En effet, on a hâte de voir ça. Donc pour ceux que ça intéresse, hein, on pourra voir Antoine, on pourra me voir aussi. Hein. Pas l'oublier. Le 12 mai, je le rappelle, hein, vu que l'émission touche à sa fin, donc c'est bien de rappeler les choses au dernier moment. Et juste avant qu'on se dise au revoir et qu'on fasse peut-être le mot de la fin, je fais encore le programme de la soirée. Juste après mon émission, on retrouve André qui est déjà dans nos locaux pour son émission Fleurs de Peau jusqu'à 20h. Puis de 21h à minuit, c'est la rediffusion de l'émission Vivre et créer la montagne de Vincent, l'émission qu'il avait diffusée vendredi. Et de minuit à 1h, c'est la rediffusion de La Bulle de Lia qui a reçu ce midi Vitella Nature. Donc on a parlé de nature avec elle. La rediffusion de mon émission, c'est demain matin de 7h à 8h, suivie de la chronique de Michel et enfin de la matinale de Marion qui fera le reste du programme de la journée de demain. On se retrouvera demain de 6h à 7h comme d'habitude pour parler de spectacles vivants avec le Grand Show. Mais pour en savoir plus, on se retrouve demain. Merci beaucoup Inès, Antoine et Maxime de votre participation. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin avant qu'on rende l'antenne. Ben, merci de nous avoir invités et de nous avoir permis de mettre en avant l'événement qui va arriver et puis de parler un petit peu de ce qui s'est passé l'année dernière. Voilà, je sais pas. Non, merci Lou. On se retrouve le 12. Oui, on se retrouve le 12. Et pour ceux qui veulent avoir plus d'infos ou même s'inscrire, c'est rendez-vous sur le site de la mission locale. Donc c'est mlprv.fr, je crois. Ou la page Facebook, tout simplement. En tout cas, merci à vous et merci aux auditeurs pour votre temps. On se retrouve demain, même heure, pour de bonnes nouvelles aventures. Bonne soirée à tous.